Désiré Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Des natifs de Gatumba dont ceux de la diaspora plaident pour le soutien du gouvernement à des initiatives qui avaient déjà débuté pour la protection des ménages et cultures proches de la rivière Rusizi, surtout du côté de la colline Kinyinya 1. Le ministre de l'Intérieur a récemment ordonné la suspension de ces travaux de protection qui étaient accompagnés par des Burundais de la diaspora natifs de cette zone. Des agriculteurs de la province Ngozi se plaignent pour cause de la pénurie des semences et du maïs. Certains commerçants les vendent à un prix variant entre 20 000 et 25 000 francs burundais, alors que l'année passée, un kilogramme coûtait 6 500 francs. Le nombre de cas de grossesse non désirée a sensiblement diminué dans les écoles de la province Bubanza, ce qui constitue l'impact des clubs de santé répartis dans différentes écoles. Et dans la chronique santé de ce mardi, nous parlons de la kinésithérapie qui intervient après l'accouchement. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Nous débutons cette édition par la page gouvernance. Le secteur de l'éducation doit être réorganisé pour permettre aux apprenants de contribuer au développement du pays. Évariste Ndayishimiye, président de la République, l'a dit ce mardi au cours d'une séance de moralisation avec les dirigeants de la nouvelle province de Bujumbura. Le numéro 1 burundais a insisté également sur le secteur de la construction, notamment dans les nouvelles villes et quartiers qui ne s'alignent pas avec la nouvelle vision du pays 2040-2060, le point avec Lydie Gahimbari. Lors d'une réunion de moralisation, le président Évariste Ndayishimiye a donné l'exemple de la manière dont les bâtiments en construction dans les villes et nouveaux quartiers ne s'alignent pas sur l'orientation du pays vers le développement. Il a notamment mentionné le quartier Tenga, situé dans la zone Luiridi de la commune Mutimbudi en province de Bujumbura, où les citoyens construisent des infrastructures dans un endroit non viabilisé, où il n'y a pas de route, électricité. Un autre lieu évoqué par le président de la République, où les gens construisent des maisons en désordre qui ne répondaient pas à l'image du pays développé, c'est dans la province de Gitega. Ici, il a rappelé, responsable de la construction, la nécessité de bâtir des immeubles permettant aux citoyens de construire en se basant sur l'image d'une ville moderne et durable. Par ailleurs, le numéro 1 burundais a souligné l'importance du secteur éducatif. Selon lui, ce secteur doit être réorganisé pour que les individus puissent appliquer ce qu'ils ont appris et ainsi contribuer au développement du pays. Il a appelé les dirigeants de tous les secteurs à travailler ensemble pour que le pays atteigne les objectifs du développement du pays émergent 2040 et le pays développé 2060. Les travaux de protection des ménages et champs de culture en zone Gatumba contre les eaux de la rivière Rusizi, surtout du côté de Kinyinya 1, semblent être aux arrêts. Depuis près de 10 jours, un engin qui effectuait ces travaux sur fond décaissé par des Burundais de la diaspora natifs de cette zone a été rappelé selon un des natifs de la dite zone qui suivait de près ces travaux. Il dit être étonné de voir une correspondance du ministre de l'Intérieur qui suspend ses travaux, alors que de l'autre côté de Kinyinya 1, en zone Rukaramu, de la commune, même commune Mutimbuzi, les travaux se poursuivent. Ils demandent plutôt le soutien du gouvernement à ces initiatives privées, Mireille Kanyang. Sur la chaussée d'Uvira, après avoir franchi le pont sur la rivière Rusizi vers Gatumba, à droite, nous sommes dans Kinyinya 1. L'on emprunte un chemin aménagé à l'aide d'une machine qui effectuait ses travaux sur la Rusizi. La machine consommait plus de 2,5 millions de francs burundais par jour sur financement des Burundais natifs de la zone Gatumba. Un engin rappelé il y a près de 10 jours pour des travaux vers le centre-ville de Bujumbura. Après une marche marche de 10 minutes, l'on s'arrête avec notre interlocuteur, en natif, nous dit-il, de la zone Gatumba. Interrogé sur ses travaux de protection de leur localité contre les inondations des eaux de la rivière Rusizi. Julien Nimbona indique que depuis 4 ans, ils sont inondés par ces eaux et ont trouvé une solution afin de se protéger contre ces eaux et sur initiative des natifs de la zone qui vivent à l'étranger. Julien Nimbona trouve qu'il est incompréhensible qu'on interdise la poursuite de tels travaux alors que de l'autre côté de la rivière Rusizi, en zone Lukaramu de la commune Mutimbuzi, des travaux similaires y sont effectués comme constaté ce lundi. Julien Nimbona estime que la correspondance du ministre de l'Intérieur datant du 16 septembre, intimant l'ordre au gouverneur de la province Bujumbura d'arrêter tous travaux dans Kinyinya 1 est injuste à leur égard. Les natifs de la zone Gatumba, notamment ceux de Kinyinya 1, demandent plutôt au gouvernement d'appuyer de telles initiatives. Mireille Ekanyang, merci. Des habitants de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi se plaignent pour cause de manque d'eau potable, ce qui rend difficile la lutte contre la variole du singe. Ils demandent d'être approvisionnés en eau potable puisque des tuyaux acheminent cette eau vers d'autres coins dont Vugizo suivait. On n'a pas d'eau potable suffisante, sauf celle amenée par un véhicule d'un privé qui nous approvisionne et on achète un bidon à 500 frabou. Ce n'est vraiment pas facile de lutter contre l'OMPOX vu qu'on achète de l'eau à prix cher. Pas d'eau depuis le mois de janvier jusqu'au mois de septembre. Pas d'eau potable ici, mais comme on n'a pas de travail, on puise les georgicas. C'est de l'eau souillée et provoque des maladies chez les femmes. Ça change nos peaux. Lutter contre cette maladie, ça demande de l'hygiène. Et l'hygiène va de pair avec l'eau potable. Et l'eau potable, c'est celle de la régie des eaux. Ici, à Kinyinya 1, on a eu des robinets publics, mais il n'y a plus de gouttes. Même dans nos parcelles, on n'a pas d'eau. Mais, curieusement, sur les collines Kaharawe, Vugizo, Waruwondo, ils en ont. Mais ici, non. On achète un bidon d'eau potable de 20 litres à 500 francs. C'est trop cher. Les enfants souffrent beaucoup de vers intestinaux parce qu'ils boivent de l'eau sale. Pour puiser les gerots, ça demande de la force. Sinon, on en achète à 500 francs. C'est très difficile de lutter contre cette maladie. Même si on doit se laver avec l'eau des gerots, c'est glissant. Les mamans ont déjà attrapé des infections. On demande à l'État et la régie des eaux de se mettre ensemble et nous donner de l'eau potable ici en zone Gatumba. Ça se peut qu'on attrape aussi le choléra. On demande au gouvernement de nous approvisionner en eau potable comme les autres. Par exemple, moi, j'ai un robinet dans la parcelle, mais ça fait une année qu'il n'y a pas d'eau potable. C'est trop cher. C'est pour cela que nous demandons à l'État, qui est pour nous comme un père, de faire revenir l'eau qu'on avait dans les robinets publics et dans les parcelles. Poursuivons cette édition. Le coût des restes des matériaux comme les tôles, les fers à béton et les briques de l'ancien marché de Bujumbura doit rentrer dans le trésor public. Le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions l'a dit ce lundi au cours d'une visite effectuée à son marché central, à cette place de l'ancien marché central, en vue de constater l'état d'avancement des activités d'assainissement de cette place. Dieudonné Dukunda a indiqué que la société Ubaka Nation Group a une période de 6 mois pour effectuer des études géotechniques détaillées. Suivez-le. Il s'était donné 1 mois pour que cet espace soit assaini, afin que les travaux de géotechnie puissent commencer. Dans la convention que nous avons avec eux, ils ont 6 mois pour valider, effectuer toutes les études géotechniques détaillées d'un côté et de l'autre pour qu'ils puissent nous présenter un modèle financier qui soit à mesure de nous donner un édifice, un complexe, une infrastructure semblable à celle que nous avons présentée au Conseil des ministres. Donc, nous avons également donné des directives dans le sens de récupérer tous les matériaux qui peuvent encore servir à autre chose, qui peuvent également être vendus et l'argent versé au trésor public. La radio de l'avenir. Grogne des agriculteurs de la province Ngozi suite à la pénurie des semences, notamment celle de maïs, alors que le labour est terminé selon ces agriculteurs. Le kilo de maïs coûte entre 20 et 25 000 francs burundais chez les commerçants, alors que l'année passée, un kilogramme s'achetait à 6 500. Le directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture, Émile Kubwimana, tranquillise que les premières semences arrivent en Ngozi avant la fin de cette semaine. Apollinaire Muzagara. Selon ces agriculteurs d'Ngozi, le labour a déjà pris fin chez bon nombre d'entre eux. Ils sont pour le moment à la phase d'acheminement des engrais organiques vers les champs. Ces agriculteurs d'Ngozi déplorent le manque de semences pour le semer le plus tôt possible car les pluies, selon eux, sont déjà tombées. Selon toujours ces agriculteurs, un kilo de graines de maïs de type bazooka et panne 53 coûtait l'an passé entre 6500 et 7500 francs bou, mais aujourd'hui, on se trouve à 20 000 francs bou, voire 25 000 francs, déplore-t-il, d'où il demande au gouvernement de disponibiliser à temps ses semences. Le directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture et de l'élevage tranquillise que les premières semences arrivent avant la fin de cette semaine en cours. Émile Kubwimana en profite pour leur conseiller l'achat aussi de nouvelles variétés d'Olizabou, de type composite ZM605 et ZM621, se trouvant pour le moment dans les mains des multiplicateurs de semences. Ces variétés sont toujours, selon lui, très productives dans cette région et de courte durée de maturité. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Sur la page éducation, le nombre de cas de grossesse non désirée a sensiblement diminué dans les écoles de la province de Bubanza. Ces cas étaient estimés à 54 l'année scolaire 2022-2023, alors que l'année scolaire passée, ils sont passés à 15. Des responsables scolaires et des parents se réjouissent que ce soit le fruit de plus de 280 clubs de santé répartis dans différentes écoles, comme le confirme la direction provinciale de l'éducation de Bubanza, Spes Caritas Kabanyana. Les parents, tout comme les enseignants, apprécient positivement la mise en place des clubs santé dans les écoles de la province de Bubanza. Ils expliquent que cela a contribué dans la diminution des grossesses non désirées qui sont passées de 54 au cours de l'année scolaire 2022-2023 à 15 l'année scolaire passée, puisque les enfants ont changé de comportement et ont adopté un comportement responsable selon la même source, et cela est également confirmé par les responsables à la direction provinciale de l'enseignement à Bubanza. Claude Badougaritse, directeur provincial de l'enseignement, explique qu'au départ, les clubs santé étaient seulement sur 38 écoles, mais par après, vers la fin de l'année scolaire passée, les clubs santé sont passés de 38 à 285 sur toutes les écoles fondamentales et post-fondamentales, comme il l'a dit. Il y reconnaît cependant que les encadreurs de ces clubs n'ont pas de bagages suffisants pour bien informer coordonner et assurer un suivi pour ces jeunes adolescents. Le directeur provincial de l'éducation à Bouanza demande à tous ceux qui le peuvent, surtout l'association Twite Zimbere, qui travaille dans cette province dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, de donner des formations aux enseignants en 4 heures des clubs de santé afin qu'ils soient bien outillés pour bien encadrer ces jeunes adolescents. Spécialitas Kabanyana, Bouanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique de ce mardi, la kinésithérapie ou rééducation postpartum est une technique de rééducation spécifique qui intervient après l'accouchement dans les 2 à 8 semaines. Après l'accouchement, un médecin en kinésithérapie indique que c'est l'occasion pour les femmes d'obtenir des réponses sur leurs modifications corporelles après la grossesse, notamment un relâchement de la ceinture abdominale et la fuite urinaire ou fécale. Kinésithérapeute souligne que la kinésithérapie postpartum est toujours recommandée, quel que soit le type d'accouchement. Chronique santé avec Ornella Mucho. La grossesse et l'accouchement entraînent des modifications corporelles pouvant se manifester par un relâchement de la ceinture abdominale ou des douleurs du périnée, d'où la nécessité de la kinésithérapie ou rééducation postpartum dans les 2 à 8 semaines après accouchement. La kinésithérapeute Ursula Ineza tient à souligner que même si la femme ne ressent aucun symptôme, la rééducation postpartum est toujours indiquée à titre préventif pour renforcer le fonctionnement global du système abdominal. On fait une rééducation périnéale et aussi pour la diminution des douleurs lombaires. On fait des exercices de renforcement du périnée et aussi du renforcement des muscles de la sangle abdominale. On fait aussi des techniques de soulagement de douleurs. On peut faire des massages, des étirements. Pour les femmes qui ont des béances vaginales ou bien les béances vulvaires, on les aide à resserrer leur partie par des renforcements musculaires. Ça concerne toute femme qui vient d'accoucher, donc par voie basse ou par césarienne. La rééducation postpartum comprend principalement la rééducation périnéale et abdominale pour soutenir une série de muscles situés sur la partie inférieure du bassin, mais aussi protéger et maintenir notamment les organes placés dans la cavité abdominale, d'où 10 à 15 séances sont prescrites, mais aussi continuer ces séances à domicile même après la rééducation. Dans les théories, la kiné périnéale peut aller d'un mois à 3 mois dans les théories. Mais ça dépend de chaque patiente et de la gravité. Ça aide à obtenir des réponses à leurs modifications corporelles et aussi pour le bien-être en général. Les risques de ne pas effectuer la rééducation postpartum, c'est qu'un périnée fragilisé qui n'aurait pas été renforcé va avoir du mal à remplir ses fonctions. Les risques pourront donc être une incontinence urinaire ou une descente d'organes. Selon cette kinésithérapeute, après accouchement, les femmes doivent être sensibilisées par les gynécologues des avantages de la rééducation postpartum. Et c'est par ici que s'achève cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis.